Salut tout le monde, malheureusement je suis absent pour le moment, alors après le bip sonore, laissez un message, salut. Plus de 5 ans déjà que je n'ai plus de tes nouvelles, que je te cherche mais en vain tu ne retournes pas mes appels. Pourtant c'est bien toi qui disais que rien nous séparerait, que notre amitié était de celle qui toujours durerait. On nous surnommait le duo magique, les inséparables. Pourquoi certaines fautes demeurent-elles irréparables? Je nous croyais à l'abri de tout racontard, que nous avions dépassé le stade des oui-dire et des j'ai cru voir. Mais les événements et le temps changent les gens, j'ai pu le constater et j'avoue que cela déchire en dedans. Voir tant d'années, tant de souvenirs enfermés, tant d'instants partagés qui par un malentendu vont s'évaporer. Qu'aucun jour ne passe sans que je ne pense à toi, que j'aimerais tant que tout redevienne comme autrefois. Tout a tellement changé, ton attitude n'est plus la même. Comment résoudre une situation dont on ignore le problème? Je n'ai pourtant pas changé, mes sentiments restent idem. Tu deviens méconnaissable, n'est vraiment plus le même. Tout a tellement changé, ton attitude n'est plus la même. Comment résoudre une situation dont on ignore le problème? Je n'ai pourtant pas changé, mes sentiments restent idem. Tu deviens méconnaissable, n'est vraiment plus le même. Nos amis communs n'arrivent toujours pas à le prendre. Pourquoi les choses ont tellement changé, c'est à rien y comprendre. J'ai l'impression que c'était hier encore au studio, que tu m'impressionnais par ta capacité à l'impro. Tout allait pour le mieux, dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce que nos routes se séparent et que notre relation devienne sombre. Ombragée par la jalousie extérieure, qui ne les affecte point puisque de pierre est fait leur cœur. La sœur du malin se nomme hypocrisie, elle détruit les gens sans leur envoyer le moindre avis. Si tu vis pour les autres, tu deviens prisonnier de toi-même. Le mal se met à te ronger comme l'incurable gangrène. Tout a tellement changé, ton attitude n'est plus la même. Comment résoudre une situation dont on ignore le problème? Je n'ai pourtant pas changé, mes sentiments restent idem. Tu deviens méconnaissable, n'est vraiment plus le même. Tout a tellement changé, ton attitude n'est plus la même. Comment résoudre une situation dont on ignore le problème? Je n'ai pourtant pas changé, mes sentiments restent idem. Tu deviens méconnaissable, n'est vraiment plus le même. Il est vrai que mon emploi du temps est devenu plus chargé, que de moins en moins de temps j'ai eu à te consacrer. Mais je me suis tellement battu, peux-tu me reprocher de vouloir profiter de la vie que j'ai toujours voulu mener? J'ose espérer que ton travail soit récompensé et qu'à ton tour d'une reconnaissance tu puisses bénéficier, que chacun de tes rêves se réalise. Je me rappelle, tu rêvais de construire ta maison sur une banquise. L'amitié est plus forte qu'un orgueil mal placé, que des vipères qui ne vivent que pour voir les gens se séparer. De plus, tu connais mieux que quiconque le fond des choses. Je suis loin d'être un pacha, mais arrive à vivre de mes proses. J'en pose une pour tous nos bons moments passés, en espérant que de ta mémoire il ne puisse jamais s'effacer. En espérant que de ta mémoire ne puisse jamais s'effacer. Tout a tellement changé, ton attitude n'est plus la même. Comment résoudre une situation dont on ignore le problème? Je n'ai pourtant pas changé, mes sentiments restent idem. Tu deviens méconnaissable, n'est vraiment plus le même. Tout a tellement changé, ton attitude n'est plus la même. Comment résoudre une situation dont on ignore le problème? Je n'ai pourtant pas changé, mes sentiments restent idem. Tu deviens méconnaissable, n'est vraiment plus le même. Tout a tellement changé, ton attitude n'est plus la même. Comment résoudre une situation dont on ignore le problème? Je n'ai pourtant pas changé, mes sentiments restent idem. Tu deviens méconnaissable, n'est vraiment plus le même. Tout a tellement changé, ton attitude n'est plus la même. Comment résoudre une situation dont on ignore le problème? Je n'ai pourtant pas changé, mes sentiments restent idem. Tu deviens méconnaissable, n'est vraiment plus le même. Tout a tellement changé. Tout a tellement changé.